Before continuing the scene in the dining room, listen to the last part of that dialogue again. But this time, there are a couple of changes. Can we get a dictionary this morning? Ce matin? Quelle heure est-il? Il est 9 heures exactement. Ah non, je suis désolée, ce n'est pas possible. So, what were the changes? Well, after looking at her watch, Hélène decides there's not enough time to go to buy a dictionary. She says, Ce n'est pas possible. And she precedes that with a useful expression, Je suis désolée. I'm sorry. Listen again and repeat. Je suis désolée. Now listen to these three examples and repeat them. Je suis désolée, mais c'est très difficile. Madame, je suis désolée. Il n'y a pas de réservation pour vous. Je suis désolée, mais vous n'avez pas de passeport.